Le phénix. L'Europe de la multitude. Tu sais, la sculpture a été installée de 1975 à 2000 sur l'Europaplatz, devant le bureau de poste, pratiquement là où se trouve maintenant l'entrée du métro. Face à ce griffon plutôt belliqueux, la forme grotesque à hauteur d'homme était volontairement un contre-projet qui devait représenter les enchevêtrements fatals à partir desquels les Européens et les Européennes devaient tricoter la paix. Mal aimé, la sculpture a été déplacée lors du début de la transformation de l'Europaplatz, ici, derrière la Stadthalle. Drôle de chose. Une espèce de rocoque, gonflée à bloc, plein de vide. Peut-être à cause du mauvais air. En plein milieu de la ville, c'est pas étonnant. Avec toutes ces voitures, la ville devrait... Oui, la ville pourrait faire quelque chose pour la circulation. Mais elle n'a rien à dire par rapport aux normes de fabrication des moteurs à explosion. Bien que la plupart des voitures circulent dans des villes. Oui. Qui a décidé ça? L'Europe, plus précisément la Cour de justice européenne. Comment peut-elle décider d'une telle chose? De fait, il y avait ce cas récemment. Ça avait très bien commencé. Quelques villes, des grandes villes, en fait des capitales, Bruxelles, Madrid et Paris, ont saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour contester une nouvelle réglementation qui autorise des émissions de particules fines plus élevées pour les moteurs à combustion. Les villes peuvent-elles faire quelque chose comme ça? Oui, elles ont été autorisées à introduire leur recours. Cela a été une surprise pour tout le monde. Le tribunal a considéré que les villes avaient une grande responsabilité dans la mise en œuvre de mesures pour améliorer l'environnement et surtout l'air. Au début... Oui, cela n'a pas plu à tout le monde. Un vent contraire s'est levé, un vrai mur. Qu'était-ce? L'industrie? Oui, bien sûr. L'industrie automobile, mais elle n'était pas seule. Il y avait les gouvernements. La Hongrie, la Roumanie, la République tchèque... Et surtout en tête, l'Allemagne. Alors que jusque-là, personne ne s'intéressait à cette affaire. Il était inimaginable que des villes, même si elles étaient les plus grandes capitales d'Europe, puissent faire quoi que ce soit contre l'industrie. Ce serait aussi la porte ouverte au chaos, non? Pourquoi? Les villes sont directement concernées par les gaz d'échappement. Elles pourraient avoir le droit de s'en mêler. Elles l'ont fait. Jusqu'à ce que les États viennent protéger leur modèle économique. Et ils ont intimidé le juge? Non, bien sûr que non, nous ne sommes pas dans un western. C'est dû, pour le pire et le meilleur, à la marge de manœuvre qui existe dans l'interprétation des lois. Un premier tribunal avait fait une interprétation innovante et généreuse pour permettre un progrès écologique, dans le sens d'une Europe verte, mais dans un état de droit. On peut faire appel contre une interprétation, et c'est ce qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne est contre la protection de l'environnement? Non, l'Allemagne veut soutenir son industrie automobile et son marché en Europe. Ce que le tribunal dit aux villes, c'est que le fait que vous fassiez tout ce qui est possible pour améliorer la qualité de l'air dans votre région, c'est bien, mais cela ne suffit pas à prouver que vous êtes directement concerné par le règlement sur les particules et que votre mission n'est pas seulement d'améliorer l'environnement, mais aussi de permettre la commercialisation et la mise en circulation de produits conformes aux normes européennes. Et les voitures continuent de tourner dans les villes avec des émissions élevées. Oui, c'est un peu un échec. Mais pas vraiment non plus, en fait. Comment ça? Tout de même, c'est une première. Pour la première fois, des villes ont été entendues en tant qu'actrices légitimes au niveau européen. C'est nouveau? Oui, c'est nouveau. Cela signifie qu'il peut y avoir une Europe d'en bas. Cela signifie plus de démocratie. Mais les villes ne représentent pas les gens. Pour beaucoup de monde, les villes sont le niveau politique le plus proche. Elles peuvent maintenant agir juridiquement au niveau européen. Comme il y a aussi d'autres formes par lesquelles les gens se rassemblent et forment des organisations représentatives de la société civile. Et celles-ci trouvent aussi leur chemin vers la justice. Cela se fait pas à pas. L'Europe n'est pas une chose lisse et finie. C'est plutôt comme cette sculpture, ce drôle d'oiseau. Certaines parties sont bien avancées et bien définies, d'autres ne sont qu'esquissées. D'autres parties sont vides et doivent être encore inventées ou adaptées. Il est évident que la société civile a son mot à dire. Par le vote? Oui, aussi. Mais ça, c'est pas si fréquent. Pour le Parlement européen, c'est tous les 5 ans. Quand bien même, au fond, chaque votation, chaque élection, dans un quelconque État membre, a toujours, en fin de compte, un rapport avec l'Europe. Mais ce que je veux raconter, c'est que... Oui, raconte. Laisse-moi parler. Oui, continue. C'est que c'est peut-être possible, en fin de compte, que l'air devienne quand même meilleur en ville. Parce que les véhicules à combustion, ou plus précisément ceux de Volkswagen, n'ont plus le droit de dépasser certains taux d'émission. Parce que cette fois, Rome, Varsovie, Stockholm... Non, grâce à une ONG. Une quoi? Une organisation non gouvernementale, comme Médecins Sans Frontières, Greenpeace ou Amnesty. Ah oui, ça je connais. Une telle organisation, la Deutsche Umwelthilfe, a réussi à faire appel contre une décision du Kraftfahrtbundesamt, une autorité allemande, concernant la réglementation d'un dispositif technique dans les voitures. Ah, le Dieselgate. Oui, ou plutôt une de ses répliques, le Thermofenstergate. Quel rapport avec la Cour de justice européenne ? En fait, la République fédérale voulait que l'affaire soit classée et disait que cette organisation n'était pas directement concernée puisqu'elle ne produit pas elle-même de voitures. Et c'est pourquoi elle ne peut pas porter plainte auprès du tribunal. Mais le tribunal de Schleswig-Holstein n'en était pas si sûr. D'une certaine manière, l'affaire avait un rapport avec la convention d'Aarhus, que l'Allemagne a signée en 2007, et qui renforce la participation de la société civile, notamment dans le domaine de l'environnement. C'est pourquoi le tribunal s'est adressé à la Cour de justice de l'Union européenne pour savoir, d'une part, si cette association avait le droit de faire appel contre une simple décision administrative, et d'autre part, si ce dispositif était en fait conforme au niveau européen, car il se mettait déjà en mode exceptionnel, même lorsque les conditions météorologiques étaient normales, de fait dépassant les émissions admises. Pourquoi la Cour de justice européenne peut-elle se prononcer ? Ce sont des questions internes, administratives, non ? Justement pas. D'une part, parce qu'il doit y avoir un état de droit commun dans l'Union européenne, ce qui signifie aussi qu'il doit y avoir partout le même accès aux procédures judiciaires. Parce que l'association Umwelthilfe est un représentant reconnu de la société en matière de pollution, elle est un représentant légal au nom de la société concernée par la pollution de l'air. Et en ce qui concerne le dispositif, il existe des directives européennes qui visent à la fois à garantir des normes pour le marché et à assurer la qualité de l'air dans l'Union européenne. Volkswagen a donc perdu. Oui, mais pas directement, non. La République fédérale a perdu. Qu'est-ce qu'elle a perdu ? En fait, elle a gagné. En démocratie. Mais elle a perdu l'affaire. Et ce, à deux niveaux. D'une part, le dispositif n'est plus autorisé, et le Kraftfahrtbundesamt doit revoir sa décision. D'autre part, et c'est beaucoup plus important, il est désormais établi que les organisations représentant des intérêts publics, notamment en matière d'environnement, peuvent s'immiscer dans la gestion de l'État. Et ça te fait plaisir ? Oui, bien sûr. L'État n'est pas exempt d'erreurs, ni d'intérêts. L'État est constitué de nombreuses administrations. Certaines jouent un rôle central dans la manière dont le pays fonctionne, souvent à l'écart du débat public. Connaissais-tu auparavant le Kraftfahrtbundesamt ? Le jugement est donc plutôt un progrès vers la démocratie et l'accessibilité. Au final, cela renforce la confiance dans les autorités et l'État. Et sans l'Europe ? Sans la Cour de justice européenne ? Ce ne serait jamais arrivé.